Amis chasseurs, vous êtes prêts pour votre sport favori? Le magasin Ferlac de Dolbeau-Mistassini a tout ce qu'il faut pour une recette gagnante. La pierre de sel, 9,99 le 20 kg ou 8,99 à l'achat de 3. Le sel de chasse de marque ProParc, 7,99 le 20 kg ou 3 sacs pour 17,99. Le magasin Ferlac, 727 boulevard Vézina, 418-276-3918. Toute l'équipe du magasin Ferlac souhaite à tous les chasseurs la meilleure saison de chasse possible. Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec, appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Robin, hier, je faisais l'entrevue avec le Marcos Pop de Saint-Félicien, Jason Lajeunesse. Et il me disait que cette année, avec le retour de la mise en échec, il fallait un petit peu réapprendre un peu. Est-ce que c'est ça que tu perçois chez les castors aussi? Ben oui, je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut réapprendre. Puis c'est pas tout s'il faut réapprendre, mais c'est d'une nouvelle façon. C'est pas comme l'ancienne façon à l'était. Okay. C'est là qu'un peu j'ai un petit peu de difficulté, là, c'est que il faut s'ajuster. Selon la compréhension que l'arbitre lui fait du règlement. Là. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de zones grises puis présentement. Puis d'ailleurs, je pense que la Ligue ou Hockey Québec est au courant parce que ça fait drôle que tu m'en parles. Juste avant que tu m'en parles, on a reçu une petite clarification par rapport à ça. Okay. Donc, c'est sûr que c'est une adaptation. Puis à chaque match, même, il faut s'ajuster parce que. Moi, je prends pas de chance. Je pose à la question à l'arbitre. Bon, la formation sur la mise en échec, comment est-ce que tu l'as vu, toi, à période de cours avec Hockey Québec? Puis, versus comment est-ce qu'on l'a eu, nous autres? Puis là, on s'ajuste par rapport à ça parce que d'un arbitre à l'autre, ça change. OK. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de zones grises pour le moment, mais je comprends que la mise en échec progressive est là dans le but d'éliminer les contacts face à face où ce que le gars, il joue juste l'homme. Là, on peut encore avec des contacts face à face, mais il faut que le joueur fasse la démonstration qu'il va pour la rondelle. OK. Donc, okay. Mais c'est beaucoup d'ajustements. Ben, c'est clair. Hein, puis pour les joueurs, pour les arbitres aussi, là. Oui, oui. Ça aurait été plus simple de remettre la mise en échec comme elle l'était avant, au moins. On saurait à quoi s'en tenir, puis on pourrait donner leur juste aux joueurs, puis les joueurs sauraient à quoi s'en tenir par rapport aux arbitres. OK. Donc, puis là, j'imagine que pour les joueurs aussi, là, c'est les joueurs aussi, oui. Les autres ne savent pas comment faire. Là. Absolument. Puis c'est sûr que rendu mid-job, il y en a que le niveau d'hormones est plus élevé un peu, donc pourquoi qu'on fait ça? C'est-tu, pourquoi qu'ils l'ont pas remis comme avant? C'est-tu parce qu'ils avaient peur qu'ils remettent comme avant? C'est quoi? Ben, comme tu disais, la principale raison pourquoi ils ne l'ont pas remis auparavant, c'est qu'ils veulent éviter les mises en échec face à face. Okay. Lorsque le joueur, au lieu qu'il prenne la rondelle, qu'il charge le gars dans la zone dans la zone grise où ce que le gars il a la tête à terre. Donc, eux autres, ils disent la plupart des commotions proviennent de ces types de mises en échec-là. Donc, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas remis comme avant. OK. Deux matchs à surveiller à l'ouverture de la saison. Je parlais également avec Jason, puis je parlais avec le coach des Sables d'Orberval. Il y a eu toute l'histoire qu'on a suivie cette semaine. Non? Toi, comment tu vois ça également, qu'on n'a pas vraiment de... Tu sais, qu'on a un calendrier d'un mois d'avance. Toi, ça te dérange-tu? Puis pour la planification de tournoi? Ben, c'est sûr que nous autres, je comprends un peu la Ligue, c'est que il y a beaucoup d'équipes qui pensent qu'ils ont retardé avant d'envoyer le date de tournoi. Ouais. Il y a des disponibilités de glace aussi. Tant qu'on n'a pas trop le calendrier à dernière minute, ça va aller. Sauf que là, je pense qu'ils travaillent sur... On a reçu la première portion, mais puis on attend l'autre portion. Mais je te dirais qu'on prend les matchs un à un. Donc, pour nous autres, ce qui va se passer au mois de novembre ou décembre, présentement, ça ne nous intéresse pas. Là. C'est, on se prépare pour le match de vendredi. OK. Mais non, ça n'a pas... Ça... Content du camp d'entraînement? Es-tu content des... Es-tu content de ça? Oui, oui. Ouais. Je suis content que le camp d'entraînement soit terminé, qu'on puisse passer à plus de concret. Mm. Donc, c'est ça qu'on a fait au cours de la dernière semaine. Puis, je pense que déjà là, on voit des améliorations. Puis, je suis content de la formation qu'on a aussi. Okay. Je pense que c'est oui, c'est sûr que ça va être difficile cette année dû au fait qu'on n'avait pas d'équipe l'an passé, pas beaucoup de joueurs qui ont eu l'expérience l'an passé. Mais je pense que c'est de quoi qu'on va s'adapter assez rapidement. Y a-t-il beaucoup de joueurs qui sont des Bantam l'année passée qui sont midget cette année? On a 7 joueurs. OK. Parce que les rapides... 7 joueurs de première année. OK, les rapides étaient forts l'année passée. C'est sûr que là, tu peux pas comparer. C'est sûr que ça va être une... Mais c'était quand même une bonne équipe, là. Oui, on a des bons jeunes qui s'est présentés au camp. On a gardé 6 ou 7, je sais, Manu. Puis, mais c'est sûr que, encore là, c'est de l'apprentissage pour eux autres. Là, ils jouent contre des joueurs de 15 ans qui vont jouer contre des joueurs de 17 ans, pour la plupart. Là. Mais, un match à fois, puis on apprend de match en match, puis on corrige. Puis, l'important, c'est que les joueurs gardent une bonne attitude. Ouais. Comme ça, ça va favoriser le développement. Y a-t-il beaucoup de joueurs qui sont partis au 2A cette année? Pardon? Y a-t-il beaucoup de joueurs qui sont partis au 2A cette année? Ouais. J'en ai 3. Okay. Il y a Charles pour le Midget Espoir, Charles Lavoie. Puis, il y a Vincent Tremblay qui a joué pas pour le juvénile, pas pour le... pour le cadet, excuse-moi. Ouais. Puis, il y a Xavier Lalancette qui a été pour le juvénile. OK. Donc, on a perdu 3 joueurs qui auraient pu jouer pour nous. OK. Ben, on va se reparler très, très prochainement tout au long de le jeudi prochain. Robin, on va se reparler. Pas de problème. Voilà, donc, c'était la chronique des Castors de Dolbeau avec Robin.